Ok. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. T'es prêt? Ok. J'ai mis mes plus belles sapes, tout ce qu'il faut dans le sac. Avec moi, tous mes gars. T'inquiète pas, pour moi, ça va. Et tout le monde me guette. Harry, arrête ta flûte car l'ambiance m'inquiète. Évite-moi vite, les flics veulent ma tête. J'ai fait du 200 sur le périph, tout le monde m'appelle. Parfumé, j'parfumé. Une petite chicha, pastèque, narguilé. Bifort, pépère, juste histoire de. Dans le 4-4, ça fait les plans 4-4-2. J'ai attendu ça toute la semaine, le bout à ma semaine. J'parle avec moi-même, ma copine, de quoi elle se mêle. Ok, tranquille, ce n'est que le début. Ça peut finir en projet X, j'ai des potes débiles. Allô, allô, hey, je t'entends pas. Eh vas-y, on se rejoint là-bas. Ah, tu fais le mec. Eh vas-y. J'ai mis mes plus belles sapes, tout ce qu'il faut dans le sac. Avec moi tous mes gars. T'inquiète pas, pour moi ça va. Capital. Mandat MHD, on ne joue pas de match amical. Sur le terrain, j'ai des putains de visions comme Zidane. On va pas trop parler, ça risque d'être interminable. Et en face, ils sont minables, wesh. Pourquoi tu dab? Où sont les danseurs? Parce que mon gars, toi t'es tuba, moi j'ai le smile comme Diva. Faut pas forcer, faut pas faire ça. Je vais finir par prendre mon verre et te le renverser. Aïe, hey, la miss, excuse-moi, what's your name? Moi on m'appelle le black que les femmes aiment. Ne crois pas que là je te drague, je suis dans la malle. J'ai la bague au doigt, je ne veux rien faire de mal. Non, t'as pas compris. Mais non, je voulais juste parler. Mais non, toi aussi. Oh, vas-y, passons ce soir. J'ai mis mes plus belles sapes, tout ce qu'il faut dans le sac. Avec moi tous mes gars. T'inquiète pas, pour moi ça va. Ça va. Oui, je brille un peu trop pour eux. Et ils n'aiment pas ça. Oui, ils n'aiment pas ça. Oui, je brille un peu trop. Oui, il n'aime pas ça. Hey. Tout va bien, tout va bien. Hey. On est sapé. Hey. Sapé comme jamais. Hey. Demande à mon équipe. Hey. Section d'assaut. Hey. Yeah.